Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille, il est ma bonté, ma forteresse. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe, mais toi tu règnes pour toujours. Peuple.